Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Est-ce une véritable bombe à retardement, une menace nucléaire à 4500 mètres de profondeur et à 1400 km des côtes françaises, à l'ouest de Brest, gît un sous-marin nucléaire d'attaque soviétique. Le bâtiment, accidenté en 1970, le K-8, comporte deux réacteurs et quatre torpilles nucléaires. On peut donc craindre que, la corrosion aidant, ces matériaux radioactifs ne finissent par se disperser dans le milieu marin. Avec quelles conséquences? Nous allons voir cela avec M. X, qui ouvre le dossier de cette catastrophe demeurée encore aujourd'hui mystérieuse. Un accident préoccupant qui s'ajoute d'ailleurs à de nombreux autres naufrages de bâtiments soviétiques à propulsion nucléaire. Et il faudrait aussi parler des sous-marins hors d'âge et des déchets radioactifs qui ont été sciemment coulés par les autorités soviétiques de l'époque, principalement en mer de Barents et dans l'océan Pacifique. Si M. X a choisi d'évoquer le naufrage du K-8, c'est que très récemment ont été révélés des aspects inédits sur ce drame qui, en dehors même des dangers qu'il représente toujours, a aussi causé la mort d'une cinquantaine de marins. En effet, les journalistes de la revue Guerre et Histoire ont retrouvé quelques-uns des survivants de la catastrophe. Grâce à eux, on sait donc à peu près exactement ce qu'il s'est passé en ce mois d'avril 1970, en plein océan. Et c'est un constat accablant pour la marine soviétique qui faisait aussi peu de cas de la vie humaine que de la sécurité de ses bâtiments. Ходит по реке, мы взяли водки и в корму макнули флаг. Настрой в лодке, не считая кучи пар. Издалека резво течет река Темза, течет река, а нам по 20 лет. Мы лодочку свою покрасим в желтый цвет, приделаем трубу. Внезапно будем подниматься из глубин, и хрен поймаешь, Yellow Submarine. Издалека звонко течет Амазонка, течет река, а нам по 30 лет. Эх, выйти бы с утра на Волгу, на простор, там черная икра и девки на подбор. Там пиво светлое и темные леса. Мы поплывем с тобой назад в USSR. Издалека долго течет река Волга, течет река, а нам по 40 лет. Поднимем перископ, я встану у руля. Проникнем на восток, чекером до самого Кремля. Пускай поймают и посадят нас в тюрьму. Check it up, check it up now. Зато увидим реку Колыму. Издалека где-то течет река Зека, течет река, и всем по 10 лет. Течет река, и всем по 20 лет. Течет река, и всем по 30 лет. Течет река, и всем по 40 лет. Une observation d'abord. Jusqu'en 1991, date de la fin de la guerre froide, l'URSS aura construit 247 sous-marins, majoritairement à propulsion nucléaire. Bien plus que les États-Unis, qui n'en lanceront que 168. Mais durant la même période, les Soviétiques en perdront 20, dont la moitié étaient des engins nucléaires. Et les États-Unis, hein? 3, dont 2 à propulsion nucléaire. Des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Car il faudrait aussi ajouter un nombre impressionnant d'accidents qui ont causé la mort ou l'irradiation de très nombreux membres d'équipage. Alors, comment expliquer tout ça ? Par la course frénétique à l'armement naval engagée entre les deux supergrands dès le début de la guerre froide, et particulièrement dans le domaine des sous-marins à propulsion nucléaire. Alors, un petit rappel. Mm-hmm. À l'été 1952, les ingénieurs militaires américains conçoivent le Nautilus, un submersible révolutionnaire auquel son réacteur nucléaire permet la rapidité de presque 30 000 nautiques à l'heure et une autonomie illimitée en plongée. Aussitôt, pour riposter, les Soviétiques envisagent en toute hâte la construction d'une série de sous-marins de la classe November, selon la classification de l'OTAN. Des engins également atomiques. Oui, des sous-marins nucléaires d'attaque. Et le premier d'entre eux, le K-3, baptisé Leninsky Komsomol, sort des chantiers navals de Severodvinsk, entre la mer de Barents et la mer Blanche, en 1958, soit 4 ans après le Nautilus. Il est équipé de 2 réacteurs, offrant la puissance extraordinaire de 35 000 chevaux, contre 15 000 seulement pour le Nautilus. Mais pour parvenir à ce résultat, les ingénieurs ont brûlé les étapes. C'est-à-dire quand ils sont mis en service, nombre d'éléments n'ont pas encore été testés, ni même mis au point. Et certains d'entre eux sont techniquement défectueux. Enfin, peu importe, le Kremlin n'a qu'une exigence, assurer dans les meilleurs délais la mise en service des sous-marins atomiques. Alors, ces bâtiments vont connaître de nombreux et graves incidents et s'avéreront être des pièges mortels pour leurs équipages. Et est-ce qu'on en tire les leçons en URSS ? Absolument pas. Moscou ordonne la construction de nouveaux sous-marins de la même classe. Et cela alors que ces submersibles sont déjà obsolètes. Car en avril 59, l'US Navy met à l'eau le Skipjack, un sous-marin compact, silencieux et rapide. Il n'empêche, les chefs de la marine soviétique veulent construire toujours plus de bâtiments. Et la flotte militaire atteint son développement maximum durant l'ère Brejnev, sous l'impulsion du commandant-chef de la marine soviétique, Sergueï Gorskov, un amiral qui n'a toujours pas digéré l'échec de l'année 1962. À l'occasion de la crise de Cuba ? Oui, Gorskov a vécu comme une véritable humiliation le fait que les navires soviétiques qui apportaient des missiles à Cuba aient été repoussés par le blocus de l'US Navy. À la suite de cette défaite, Gorskov impulse donc la construction d'une gigantesque force navale qui dépasserait en nombre et en puissance les capacités de la marine américaine et qui serait présente sur toutes les mers du monde. Y arrivera-t-il ? En principe, oui. Même si en termes d'efficacité et de qualité, la supériorité soviétique n'est certainement pas acquise. En tout cas, il est vrai qu'en 1970, la flotte des submersibles compte par exemple plus de 350 unités et que la marine mobilise environ 475 000 hommes. Et Gorskov, qui affirme qu'il en est fini de la domination américaine sur mer, veut que ça se sache. Il organise des grandes manœuvres démontrant la capacité de la marine russe à opérer sur toutes les mers du monde. La première, c'est Océan 70. Et elle sera fatale pour le K-8 et une partie de son équipage. Alors, venons-en justement à l'histoire du K-8. C'est un sous-marin qui appartient à la classe des November. Oui, c'est-à-dire à la première génération des sous-marins soviétiques. Oui, hein. Lancé à la fin 1959, il est officiellement accrédité en août 1960. Ses caractéristiques, d'abord. Il est plus rapide que ses équivalents américains. Et sa profondeur d'immersion est de 300 mètres contre 200 pour les sous-marins américains. Et son armement ? Il est équipé de 8 tubes lance-torpilles et il emporte 24 torpilles à guidage acoustique et 4 torpilles anti-sous-marines à tête nucléaire de 20 kilotonnes. Oui, ce sera un peu plus que la puissance de la bombe d'Hiroshima. C'est ça. Ouais. Dès le lancement du K-8, ces marins mettent en évidence la principale faiblesse du bâtiment. Sa plomberie est particulièrement complexe. Et sa plomberie ? Oui, les tuyaux d'eau associés à ses réacteurs. D'abord le système de refroidissement et ensuite le circuit de vapeur sous pression qui alimente les turbines. Et les ennuis commencent assez rapidement. En octobre 60, le K8 qui effectue un exercice dans la mer de Barents connaît un premier grave accident. Un manque de liquide de refroidissement dans le réacteur entraîne une fuite radioactive dans les générateurs de vapeur. Les marins essaient de réparer, mais l'équipement qui est à leur disposition est défectueux. Ouais, que se passe-t-il alors? Ces pauvres diables tentent de juguler la fuite sans équipement de protection. Ils installent un système provisoire de circuit d'eau pour refroidir le réacteur et ainsi éviter le risque de voir se fondre son cœur. Mais de grosses quantités de fumée radioactive se sont répandues dans tout le bâtiment. Et bilan alors? Un mort, 12 marins gravement irradiés, et selon les experts, tous les autres sous-mariniers ont été exposés à des doses supérieures à 1,8 sieverts. Ouais, c'est une dose de rayonnement énorme. Hein. Ah oui, par comparaison, la réglementation française fixe à 1 millisievert par an la dose maximale admissible. Mauvais début, hein. Mais le K8 est réparé et reprend du service. Toutefois, ce sous-marin connaîtra encore 2 accidents majeurs. Mais décidément, c'est un bâtiment maudit. Hein. Ah, c'est le sentiment, en tous les cas, des sous-mariniers qui embarquent en février 1970. Le K8 part pour une nouvelle mission. Il quitte la péninsule de Kola, navigue à travers la mer de Barents, contourne la Scandinavie, pénètre dans l'Atlantique, puis se dirige vers Gibraltar. Il entre en Méditerranée? En effet. Un mot sur les hommes du bord. L'équipage est en surnombre. Je vous explique. Théoriquement, il compte 107 marins, dont une trentaine d'officiers. Mais pour cette mission, ils sont 125. Mais pourquoi? Le K8 a dû accueillir un détachement particulier de spécialistes de la guerre électronique. Des hommes chargés d'écouter les porte-avions américains. De les espionner, par conséquent. En effet, ils doivent déchiffrer leurs messages radio, mais le sous-marin emporte aussi quelques conscrits en formation. Et ce surnombre, alors, en hommes, est-il préoccupant en soi? Bien sûr, parce que dans un sous-marin, l'espace n'est pas extensible. Et puis les appareils de sécurité sont comptés. 20 hommes en plus, ça peut entraîner de sérieuses difficultés en cas de pépin. Ouais, et ce sera le cas. Effectivement. Et qui commande d'abord? Le pacha s'appelle Bessonov. C'est la première fois qu'il commande un sous-marin en tant que capitaine. Aussi est-il secondé par un officier expérimenté qui connaît bien le K8, Vladimir Kacherski, qui est aussi le commissaire politique du bord. Ah oui, commissaire politique. Et quelle est exactement sa fonction alors? Le Zampolite est en principe chargé de veiller à l'éducation marxiste des marins et de déceler éventuellement les comportements déviants. Oui, une sorte de flic. Bon, c'est plus compliqué. Vous devez savoir que les commissaires politiques ont fait leur apparition dans l'armée dès le lendemain de l'avènement au pouvoir des soviets. Ça mérite une explication. Dans les forces militaires russes, il y avait un grand nombre d'officiers de carrière expérimentés dont les bolcheviks avaient besoin, mais qui étaient loin d'être des communistes convaincus. Par conséquent, il fallait à la fois éduquer ces militaires tsaristes, mais aussi les surveiller. Voilà, et d'où l'institution de ces commissaires politiques. Hein. Qui étaient pour la plupart d'origine populaire, tandis que les officiers, eux, provenaient des classes bourgeoises ou aristocratiques. Autre avantage au contact de ces spécialistes de la guerre, les commissaires politiques acquéraient une expérience militaire. On retrouvait donc dans toutes les unités ce binôme. Enfin, là, je referme la parenthèse. D'accord. Alors, quelle était la mission assignée en 1970 au K8? Comme l'indique la présence à bord des spécialistes de l'électronique, le K8 devait pister les porte-avions états-uniens, Midway et Saratoga. Sa mission devait se terminer le 1er avril. Oui, donc après un mois et demi de plongée. Hein. Dans la nuit du 15 au 16 mars 1970, le K8 fait surface afin de réceptionner des messages radio. Ouais, ce qui est alors impossible en plongée. Oui, et c'est ainsi que le commandant Bessonov apprend que sa mission est prolongée. Ordre lui est donné de récupérer un stock de provisions sur un bâtiment soviétique de surface qui navigue à proximité du sous-marin au large de l'île de Capri. Première difficulté. Il faut trouver de la place pour ranger ses provisions dans un navire déjà très encombré. Observons aussi que parmi les colis chargés à bord du K8 se trouvent des lots de chandelles à oxygène. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des équipements qui, après une réaction chimique à haute température, produisent de l'oxygène. Enfin, disons-le tout de suite, le maniement de ces chandelles est délicat, car elles peuvent très vite devenir de vrais lance-flammes. Ouais. Après sa rencontre avec le bâtiment soviétique, là, où se dirige le sous-marin? Le K8 repasse le détroit de Gibraltar. Le commandant Bessonov le sait maintenant, son submersible doit participer aux manœuvres océan, organisées par l'amirauté pour célébrer le centenaire de la naissance de Lénine. L'affaire est d'importance. Elle mobilise 80 sous-marins, dont 15 à propulsion nucléaire, 84 navires de surface et 45 de soutien, des bâtiments qui appartiennent aux quatre flottes, Baltique, Mer Noire, Pacifique et Nord. Le K-8 remonte donc dans l'Atlantique Nord pour son dernier voyage. Dans son ouvrage très documenté, Guerre froide et espionnage naval, le capitaine de vaisseau américain Peter Huchthausen explique pourquoi les unités de la flotte soviétique ont connu autant de déboires. Autant les constructeurs que les opérateurs pointaient du doigt la pression extrême imposée par la course aux armements. Ce désir de produire plus de navires de surface et de sous-marins que les marines occidentales joua un rôle significatif dans la fréquence des accidents. Les forces opérationnelles étaient soumises à de fortes demandes pour se déployer coûte que coûte lors des périodes où l'intensification des opérations était dictée par l'état des relations entre les deux protagonistes de la guerre froide. Les opérateurs devaient donc couper les angles tant pour la sécurité que pour l'entretien. Le système qui gouvernait l'industrie militaire expliquait en grande partie l'état de préparation inadéquat de la marine soviétique, alors qu'à l'Ouest, les budgets militaires étaient déterminés en fonction des facteurs économiques. Le complexe militaro-industriel soviétique était assujetti à un système centralisé de planification bureaucratique. Les plans quinquennaux et décennaux qui étaient concoctés par les maîtres du Kremlin, sans que les ingénieurs et les marins ne soient réellement consultés, dictaient le carnet de commandes des bureaux d'ingénierie et des chantiers navals. Soulignons d'abord que l'équipage du K-8 est plutôt morose. Mais à cause de la prolongation de sa mission. Oui, les sous-mariniers, après leur longue plongée, espéraient bénéficier d'une permission. Mais bien sûr, on ne leur a pas demandé leur avis. Et je vous rappelle, car nous en avons déjà parlé, qu'on ne plaisante pas avec la discipline dans la marine soviétique. Mais enfin, poursuivons. Le 8 avril, vers 22h30, alors que le K-8 navigue dans l'Atlantique Nord, à 140 mètres de profondeur, une alerte incendie se déclenche dans le compartiment 3, où se trouve la passerelle de commandement. Puis, quelques secondes plus tard, c'est le compartiment 7, celui où l'on contrôle l'activité des réacteurs nucléaires, qui est à son tour touché par un début d'incendie. Et quelle est l'origine de ces départs de feu? On ne sait pas vraiment, mais d'après l'un des survivants, le capitaine de vaisseau Karchevski... C'est le commissaire politique, ça. Oui, donc d'après lui, ce sont peut-être les chandelles à oxygène qui auraient pris feu. Spontanément? Stockées à la hâte dans un espace exigu, elles auraient pu s'enflammer. Ça n'est qu'une hypothèse. On a aussi évoqué un court-circuit dans le câblage électrique. En tout cas, à partir du moment où l'incendie s'est déclenché, ces chandelles vont servir à alimenter le feu. Et les catastrophes vont s'accumuler. D'abord, il y a cet équipage en surnombre. En principe, chaque sous-marinier est équipé d'un respirateur à oxygène. Un engin plutôt encombrant et lourd, qu'il est difficile d'avoir toujours à portée de main. Et puis, vous m'avez dit qu'il n'y en avait pas pour tout le monde. D'où la présence à bord de ces dangereuses chandelles. Ouais. Quelles mesures doit prendre le commandant là, lorsque le feu est déclaré? Il y a deux urgences. Faire surface et contrôler les réacteurs. C'est-à-dire les mettre à l'arrêt? En les refroidissant à l'aide des pompes et en abaissant les barres de contrôle qui piègent les neutrons responsables de la fission nucléaire dans le cœur. Et c'est la mission des quatre officiers présents dans le compartiment 7, ce qui va demander un bon quart d'heure. Mais ces hommes vont mourir asphyxiés. Oui, à cause des fumées de l'incendie? Oui. Et pendant ce temps, après une première remontée à 60 mètres, le sous-marin émerge à la surface. 10 minutes après le début de l'incendie, la fumée a envahi le poste de navigation et à bord, la chaleur est devenue insupportable. Tous les compartiments, il y en a 9, ont été isolés les uns des autres. Mais cette étanchéité ne résiste pas longtemps aux flammes. Dans le compartiment 8, 19 sous-mariniers sont coincés et ils ne disposent que de 9 respirateurs à oxygène. Ils sont donc perdus. D'autant que l'utilisation des chandelles à oxygène risque de provoquer des explosions. La situation n'est guère meilleure dans les autres compartiments. Pourtant, 3 d'entre eux, les 4, 5 et 6, sont progressivement évacués. Mmh. Il y a que les marins grimpent sur la passerelle ? À l'air libre, oui. Mmh. Et le commandant Bessonov tente d'envoyer un signal radio de détresse. Oui. Et tous les sous-maritimes ne sont pas sortis. Ah, non, une partie de l'équipage est restée à l'arrière du K-8. Ils ne peuvent être évacués que par une unique trappe qui s'ouvre dans le compartiment 8. Mais rien à faire, elle est hermétiquement close. Et les marins qui sont enfermés frappent en vain contre les cloisons métalliques. Quand on réussit enfin à l'ouvrir à 2h du matin, 3 hommes seulement en sortent. Les 16 autres sont morts ou moribonds, intoxiqués par les fumées. Puis, une demi-heure plus tard, c'est au tour du compartiment 9 d'être libéré. Déjà, on estime que le drame a provoqué la mort de 30 marins. Sur 125. Oui. Et à l'intérieur, seuls les compartiments de l'avant, les 1 et 2, restent accessibles. Mais la fumée commence à y pénétrer. Il n'y a plus d'électricité à bord, donc plus de radio. Heureusement quand même, la mer est calme et le vent modéré. Mais une longue attente commence pour les rescapés. Il y a eu ce message de détresse. Hein. Ben, ils peuvent donc espérer qu'un bâtiment ami vienne à leur secours. Et au début de l'après-midi, les marins aperçoivent un navire sur la ligne d'horizon. C'est un cargo qui bat pavillon canadien. La suite est très confuse. Parce que pour certains survivants, ce bâtiment aurait plutôt été américain. Quoi qu'il en soit, ce navire se rapproche. À bord du sous-marin, on s'interroge. Que faire ? On est en pleine guerre froide, je vous le rappelle. Le K-8 est un bâtiment ultra-secret qui ne doit pas tomber entre les mains de l'adversaire. Oui, mais il y a la vie de tous ces sous-mariniers qui est en jeu. Aussi, la décision de demander ou pas du secours dépend du commissaire politique et du représentant du KGB qui se trouve à bord. Finalement, ceci aura accepté de contacter le navire pour lui demander d'utiliser ses moyens radio afin d'alerter Moscou. Mais, preuve évidente de la méfiance du commandement, ordre est donné aux sous-mariniers de redescendre à l'intérieur du submersible. Seuls les officiers demeurent en surface et ils ont pris la précaution de s'armer. Que se passe-t-il ensuite ? Mystère. C'est-à-dire Le cargo continue de s'approcher, il est à moins d'un mille. Il tourne autour du K-8 et soudain, il s'éloigne. Et si les officiers du sous-marin ont réellement demandé de l'aide, l'attitude des marins du cargo est un acte impardonnable. Ah oui, refus d'assistance en pleine mer. Hein. Oui, mais il y a un doute. D'après quelques survivants, les officiers du K-8 n'auraient pas demandé du secours. Oui, l'atmosphère de guerre froide, toujours. Vraisemblablement. En tout cas, le capitaine de ce cargo a donné l'alerte, car des avions de patrouille de l'US Navy vont apparaître dans le ciel et survolent à plusieurs reprises le sous-marin. Leurs équipages larguent des bouées, et selon un survivant, ils prennent des photos. À bord du K-8, la situation des rescapés devient de plus en plus précaire, d'autant que la mer forcit. Enfin, le lendemain 10 avril, vers 7h30, apparaît un autre bâtiment. Et quel pavillon ? C'est un cargo bulgare, l'Avior. Un navire ami. Et à son bord, l'alerte est donnée. Mais ça prend du temps, car pour des problèmes de fréquence radio, les marins bulgares ne peuvent pas directement communiquer avec la flotte soviétique dont les navires croisent dans l'Atlantique Nord. Ils doivent donc passer par leur port d'attache, Varna. Et pendant ce temps, la situation s'aggrave encore à bord du sous-marin. Dans les compartiments encore intacts, le niveau d'oxyde de carbone s'élève même dangereusement. Le commandant Bessonov décide d'évacuer une quarantaine de marins sur l'Avior. Oui, parce que le cargo bulgare est donc resté à proximité. Oui. Enfin, dans la nuit qui suit, 3 navires soviétiques arrivent sur zone. D'autres sous-mariniers sont évacués. L'un de ces 3 bâtiments tente de prendre en remorque le K-8. Mais la tempête s'est levée, les amarres en acier cassent. Un navire militaire de renseignement rejoint cette petite flotte. Le commissaire politique Karchinski y monte afin de joindre Moscou. Mmh. Et à bord du sous-marin, alors la situation empire encore. La tempête est maintenant de force 8. Il faut fermer la trappe avant pour empêcher l'eau de pénétrer à l'intérieur du sous-marin. Mais au même moment, le taux d'oxyde de carbone augmente encore et pénètre dans les compartiments avant, encore épargnés. Des marins s'évanouissent. Les hommes valides sont transférés dans la baignoire passerelle au sommet du kiosque où ils se retrouvent serrés comme des sardines. Ouais, ça ne peut pas durer très longtemps. Effectivement. Et le commandant du K-8 demande au soir du 11 avril à ceux qui veulent quitter le bâtiment de lever la main. Et résultat de cette consultation, assez insolite quand même. Hein, personne ne bronche. C'est une manifestation alors collective de courage assez exceptionnelle. À tel point que le commandant Bessonneuf doit désigner lui-même les partants. Ah oui. Combien sont-ils ? Une trentaine. Ils sont aussitôt transférés sur l'un des navires soviétiques. Et combien restent à bord du sous-marin alors ? Ils sont 22 hommes, dont Bessonneuf lui-même, le capitaine courageux, qui a refusé d'abandonner son bâtiment. Ils ont poursuivi en vain les tentatives de remorquage, mais le lendemain matin à l'aube, le K-8 a coulé à pic, avec son commandant et la vingtaine d'hommes restés à bord. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Que sont devenus les marins survivants du K-8? Deux d'entre eux, le commissaire politique Kachirski et l'officier Posokine, racontent dans la revue Guerre et Histoire. Trois jours après le naufrage, nous sommes arrivés à Severomorsk, la base de la flotte du Nord. De là, nous sommes partis à Shtuk-Ozero, une base de repos où nous avons été pris en charge par des médecins. En même temps, la commission d'État, avec l'amiral Kassatonov à sa tête, a mené son enquête. Ils ont fait venir un sous-marin du même type. On nous interrogeait en posant beaucoup de questions. Il fallait se souvenir de tous les détails, où on avait été, à quel moment, ce qu'on faisait à tel moment, etc. Nous avons passé 17 jours sur place avant de retourner à Gremica, d'où nous avons été envoyés en vacances. De retour, nous avons tous été décorés lors d'une réunion solennelle. Tous les officiers et les morts ont été décorés de l'étoile rouge. Bessonneuf a été décoré à titre posthume de la médaille de héros de l'Union soviétique. Ce naufrage a bien sûr soulevé de nombreuses questions en URSS. Et d'abord celle-ci. Était-il possible de sauver le sous-marin? Le chef mécanicien, Pachine, a donné une réponse catégorique. L'eau entrait dans les compartiments arrière depuis le 9 avril. C'est-à-dire le jour où le feu s'est déclenché. Hein. D'après lui, l'évacuation du bâtiment était donc inévitable. Toutefois, d'après le commissaire politique, le commandant Kachirski, il était absolument impossible d'abandonner le submersible. Alors, a-t-il dit que des Canadiens, des Américains et des Britanniques tournaient autour de nous comme des rapaces? Ah oui, ça encore, c'est le langage de la guerre froide. Évidemment. Hein. Mais ça a changé à partir du moment, la situation du sous-marin, à partir du moment où les navires soviétiques sont arrivés sur place. Sans doute, mais il était trop tard. Ouais. Le commandant et les marins demeurés restés à bord là, auraient pu être néanmoins sauvés, non? C'est certain. Hum. Ça veut dire que les soviétiques ont espéré jusqu'au dernier instant pouvoir récupérer leur sous-marin. Autre question, les incendies. Des incendies qui se sont multipliés à bord des submersibles soviétiques de la classe du K-8. Kachirski, toujours lui, répond que ces incendies étaient pratiquement inévitables sur ces sous-marins de la première génération. Ah oui, ça ne l'étonne pas. Non, non, oui. Il affirme assez tranquillement qu'il a lui-même connu trois accidents sur le K-8. Il a d'ailleurs été irradié. Mais il considère que c'était presque normal. Il savait que les systèmes énergétiques étaient le maillon faible de ces navires, surtout les générateurs de vapeur. Il ajoute, assez cyniquement, que les Américains ont sans doute rencontré les mêmes difficultés. Mais ils les ont mieux dissimulées, c'est tout. Ouais, alors que c'est plutôt en URSS qu'on avait tendance à cacher la vérité, hein, voire la catastrophe de Tchernobyl. Hein. Vous avez raison. Mais Kachirski, en dépit du changement d'époque, continue à donner la version officielle des dirigeants de la marine soviétique. Est-ce aussi l'avis des autres survivants? Non. Les autres sont plus circonspects, sinon accusateurs. Un officier du K-8, Posokine, raconte par exemple avoir été témoin d'un incendie sur le K-3 en 1967. Le feu s'était déclaré dans le compartiment des torpilles, parce qu'un joint du système hydraulique, qui aurait dû être en cuivre, avait été remplacé par un modèle en caoutchouc. Résultat, il avait fallu noyer le compartiment pour éviter la propagation du feu. Mais il y avait quand même eu 39 morts. À cause d'une négligence, donc. Mais hein. Selon la version officielle, les sous-mariniers ont été victimes d'une intoxication au monoxyde de carbone. Ouais. Je retiens que ces premiers sous-marins nucléaires étaient donc excessivement dangereux. Et pour plaisanter, on a même écrit qu'ils appartenaient à la classe tout risque. Cependant, le dernier d'entre eux n'a été mis hors service qu'en 1992. Autre question embarrassante, le sauvetage des marins du K-8. Là, il faut se référer au témoignage du capitaine de l'un des navires soviétiques arrivés sur zone. Cet officier affirme qu'on ne lui a donné aucune instruction pour le sauvetage de l'équipage. Moscou ne s'intéressait qu'à l'état du sous-marin et à la possibilité de le sauver. Oui, mais pas au sauvetage des hommes. C'est exact. D'ailleurs, si les survivants ont été décorés, les autorités se sont bien gardées de donner la moindre publicité à l'événement. Les veuves des sous-mariniers ont été convoquées au commissariat militaire local et un officier leur a simplement donné un livret de décoration, mais pas de médaille. Et la même discrétion a été de mise lors des manœuvres Océan, organisées à l'occasion du 100e anniversaire de la mort de Lénine. Oui, manœuvres auxquelles le K-8 devait participer. Hein. Aucune allusion n'a été faite au naufrage du K-8 et les journaux n'en ont pas parlé. Et hors de l'URSS hein. La revue française Défense Nationale l'a mentionné en juin 1970, mais à l'époque, ça a été tout. Et si en 1973, un monument dédié aux morts du K-8 a été inauguré, il le doit aux survivants de l'équipage qui l'ont financé sur leur propre denier. Eh bien, et quand le voile a-t-il commencé à se soulever alors ? Pas avant 1992, sous la présidence de Boris Eltsine. A été créé un groupe de travail qui a rendu ses conclusions un an plus tard. Il s'agissait de recenser les accidents ayant touché des sous-marins nucléaires et d'évaluer les conséquences des rejets radioactifs en mer. Ce rapport a, par exemple, révélé des détails sur l'accident survenu à bord du K-134 en 1985, lorsqu'il se trouvait à quai dans un port au nord de Vladivostok. Il s'en était suivi une réaction en chaîne au sein du réacteur, alors que l'équipage tentait d'extraire le combustible usé. Une malheur excessivement dangereuse. Hein, qui a donné lieu à une terrible explosion et à la dispersion d'une considérable quantité de matériaux hautement radioactifs. Mais la censure avait imposé le silence sur cet accident. Toujours selon ce même rapport, certes insuffisant, mais qui a eu le mérite d'exister, il y aurait 4 sous-marins nucléaires soviétiques gisant au fond de l'Atlantique et de la mer de Kara. Y compris le K-8. Oui. En outre, 18 réacteurs et 38 ogives nucléaires seraient éparpillés sur les sols marins, dont une trentaine à plus de 5000 mètres de profondeur. Est-ce que ces dépôts nucléaires font l'objet d'une surveillance ? Les Russes auraient envoyé au moins jusqu'en 1992 des patrouilles sur les lieux de ces naufrages. Pour vérifier la radioactivité ambiante ? Ou par crainte d'une tentative d'intervention discrète des Américains pour récupérer des ogives nucléaires ou des fragments d'épaves. Rappelez-vous, quand j'ai évoqué il y a quelques années la disparition en mer du K-129 en 1968, vous avez dit que les Américains avaient secrètement construit un gigantesque navire d'exploration, le Glomar Explorer, destiné à récupérer l'épave et ses torpilles nucléaires. La CIA y aurait dépensé 500 millions de dollars. Ouais. Mais on ne sait pas si cette tentative a été couronnée de succès. Hein. Ah non, parce que le secret a été imposé. Alors revenons au K-8. Son épave représente-t-elle un danger ? Je vous donne la réponse d'un ancien sous-marinier russe qui est actuellement un expert auprès de l'ONG norvégienne Bellona. D'après lui, le véritable risque, c'est que la corrosion attaque les enveloppes métalliques qui protègent le réacteur et que l'eau de mer se retrouve en contact avec le combustible nucléaire. A priori, prétend-il, la corrosion a déjà fait son œuvre et les éléments radioactifs ont été libérés dans l'environnement. C'est pas très rassurant, hein ? Mais cet expert juge qu'étant donné l'éloignement du continent européen, plus de 1450 km, et la profondeur, 4000 mètres, le péril n'existe effectivement qu'à proximité immédiate du K-8. Ouais. Les espèces animales et végétales vivant en grande profondeur sont donc contaminées. Ah bah, toutefois, le danger disparaîtrait dans un rayon de 50 à 100 mètres autour de l'épave. Et sur quoi se fonde-t-il là, pour faire une telle évaluation ? Sur le dernier rapport de surveillance d'un autre sous-marin naufragé en 1989, le COMSOMOLET. En tout cas, cet expert estime que parmi les quatre submersibles nucléaires soviétiques encore immergés, le K-8 est celui qui présente le moins de danger. Et d'abord parce que ces bâtiments de première génération étaient équipés de réacteurs encore modestes, contenant moins de combustible que les sous-marins plus récents. Ouais, mais tout est relatif, non ? Ah ben, je suis d'accord. Et en Europe, on aimerait bien avoir des certitudes. En 2012, une demande officielle a été adressée à la Commission européenne afin qu'elle obtienne des informations sur le naufrage du K-8 auprès du dernier président de l'URSS, Mikhail Gorbatchev. Ouais, résultat ? La Commission a tardé à répondre et elle s'est même défaussée en mai 2013. Elle n'a pas de compétence pour les utilisations militaires de l'énergie nucléaire, car la question n'est pas couverte par le traité Euratom. Ah oui, donc on a refermé le dossier. Mais la même année, des experts allemands ont tiré la sonnette d'alarme à propos du K-27, accidenté en 1968 et coulé par les autorités soviétiques en 1982 en mer de Kara. Oui, ça c'est dans le Grand Nord. Hein. Oui, il existerait une menace de contamination de l'océan Arctique. Une expédition de l'ONG Bellona a été menée sur les lieux du naufrage et elle a pu contrôler 2000 fûts contenant divers résidus radioactifs. Mais ne soyez pas étonnés, les Russes, et ils n'ont pas été les seuls, ont longtemps considéré que la mer était une poubelle où il convenait de se débarrasser des déchets radioactifs, mais aussi chimiques. Je vous rappelle la parution récente du dernier numéro de la revue Guerre et Histoire et je vous recommande la lecture de l'ouvrage Guerre froide et espionnage naval de Peter Hutchausen et Alexandre Sheldon Duplay paru chez Nouveau Monde en 2011 et aussi celui plus ancien de la dramatique histoire des sous-marins nucléaires soviétiques de Lev Gilsov, Nikolai Mormoul et Leonid Osipenko publié par Robert Laffont. Mormoul, responsable technique de la flotte du Nord soviétique, qui a été écarté ensuite à cause de ses questions trop insistantes sur la sécurité des sous-marins et qui a même été condamné à une peine de prison. À samedi prochain, où je vous retrouverai non seulement sur cette chaîne, mais aussi le matin à la librairie des Arcades à Dourdan, où je signerai mon dernier livre, Les grandes mystifications de l'histoire, une coédition France Inter. Rebecca Donnant a préparé cette émission qui a été réalisée par Michel Biou et mise en musique par Monsieur Djoub. Et tout de suite après le flash CO2, mon amour de Denis Chessou.